Alors, on va rester au 19e siècle et je vais vous présenter en fait des réflexions que la notion de réseau, en fait, que j'ai eues à propos de la notion de réseau appliquée à mon terrain, parce qu'en fait, je viens de commencer ma thèse il y a même pas un an. Donc, c'est vraiment les toutes premières réflexions de réseau appliqué à mon terrain. Puisqu'en fait, ma thèse, elle porte sur la construction des savoirs visuels sur la mythologie gréco-romaine chez les archéologues français et allemands au cours du premier 19e. C'est-à-dire comment les archéologues... Oui, il faut les mettre, pardon. Donc ma thèse porte sur la façon dont les archéologues français et allemands ont construit du savoir sur la mythologie, non pas à partir des textes, mais à partir des images. Et donc le cœur du projet repose sur la compréhension de l'utilisation de l'image par ces savants. Utilisation qui est aussi bien matérielle, avec la mise en livre de l'image, qu'intellectuelle, avec tout un tas d'opérations, de la description, etc. À l'époque, et c'est ça qui est important, où l'archéologie va se constituer comme une science, selon le discours des acteurs. Il s'agit donc, dans mon projet de thèse, d'étudier l'usage des images dans le cadre de la transformation d'un espace savant. On passe de ce qu'on peut appeler l'antiquariat au XVIIIe siècle à ce qu'on peut appeler une discipline à la fin du XIXe. La mise en livre des images peut s'interpréter comme une mise en scène de connaissances qui répond à des contraintes spécifiques. Et par mise en scène, j'entends autant les conditions matérielles de production du livre, des images ou des savoirs, que la mise en représentation de ces derniers par leurs acteurs, qui émergent alors en tant que groupe pionnier de l'archéologie. Et c'est ces deux facettes de la mise en scène des savoirs qui me permettent que je ne peux pas appréhender sans comprendre la production de l'espace savant dans laquelle elle s'inscrit. Et c'est à partir de cette idée de comprendre la production de l'espace savant archéologique que j'entends mobiliser les notions de réseau afin de rendre compte et de comprendre les conditions de production de cette mise en scène. Quoique résultant de la formulation singulière d'un acteur, le livre archéologique, puisque c'est une part importante de mes sources, les publications archéologiques, doit être appréhendé à la fois comme un produit de l'espace dans lequel il s'inscrit et comme produisant des effets sur celui-ci, apparaissant alors comme un lieu de mise en scène de réseau. Le lieu du livre est donc un lieu où le savant rend public ses influences, ses modèles d'inspiration, ses dettes à l'égard de ses prédécesseurs, mais aussi un lieu où va s'exprimer la controverse, où l'auteur va régler ses comptes avec des opposants, en particulier dans les notes de bas de page. Et le livre est également un témoin de l'inscription indirecte d'un savant dans une ou des traditions savantes. Donc on voit se dessiner là plusieurs types de réseaux, de liens, qui sont identifiables à l'intérieur d'un livre, archéologique. Le réseau de ses sources, celui des référents de l'auteur, que ce soit ses modèles ou ses opposants. Et ces différentes strates d'inscription dans des réseaux, bibliographiques, scientifiques et ou de sociabilité, permettent de rendre compte non pas tant de l'émergence d'un espace dit scientifique, mais plutôt de la transformation, la reconfiguration d'un espace savant, puisque l'archéologie ne naît pas au 19e comme ça. Elle est fondée sur les travaux des antiquaires du siècle précédent. Cette représentation que l'on peut faire à partir du livre d'un archéologue est donc certes partielle et partiale, c'est ce qui est une difficulté méthodologique, mais qui présente néanmoins un intérêt, puisqu'elle permet de rendre compte quand même de la représentation de l'espace savant d'une période, se focaliser sur le réseau d'un ouvrage qui me permet d'objectiver une configuration savante particulière. Une telle démarche met ainsi l'accent sur les représentations légitimes de l'espace savant telles qu'elles lui apparaissent et que son ouvrage contribue à circonscrire. Donc vous le voyez bien, l'analyse de réseau n'est donc pas l'objet principal de ma thèse, mais plutôt la toile de fond de mon objet, intervenant comme un outil, une notion heuristique, pour prendre en compte les reconfigurations de l'espace savant, archéologique, permettant de comprendre dans ce cadre renouvelé l'usage des images qui en est fait. Donc mes sources sont de deux types, les publications archéologiques sur la mythologie du 1er 19e siècle, et pour aujourd'hui je vais prendre un cas précis qui est la galerie mythologique d'Aubin-Louis Milin. Donc là on a affaire à un discours fixé, officiel, enfin en quelque sorte, imprimé. Et puis bien sûr, pour comprendre la production de ces savoirs, les correspondances de ces savants, et qui permettent de comprendre les conditions de production de ces ouvrages, et en particulier la collecte d'images, etc. Et donc là les intermédiaires jouent un rôle important, qui est donc un discours semi-officiel, si on peut parler comme ça. Donc on va commencer avec les réseaux du livre et le cas de la galerie d'Aubin-Louis Milin. L'historiographie de l'archéologie consacre cet archéologue habituel, donc 1759-1818, comme le premier professeur d'archéologie français, puisqu'il a le premier cours au cabinet des médailles. Pourtant, sa place dans l'histoire de l'archéologie peut être considérée comme mineure. Après s'être passionné pour les sciences naturelles et engagé sous la Révolution, il est donc doté de cette charge d'enseignement. Et c'est depuis cette place qu'il va contribuer activement à la diffusion du terme d'archéologie ou archéographie pour qualifier le champ savant sur lequel il travaille. Donc je vous montre juste voilà, la première page du livre. Et donc le livre est composé de 3 parties et on va essentiellement s'intéresser à la première puisque la première est constituée de l'explication des planches iconographiques dont je vous ai mis une reproduction sur la diapo. Donc dans la première partie du livre, il y a des notices qui décrivent les images. Et à la fin de chaque notice, on va trouver une référence bibliographique. Donc il y en a autour de 750 pour la galerie. Et donc à partir de ce livre, j'ai fait donc une base de données qui référence les citations bibliographiques que féminin. Et donc ces données peuvent être traitées de 2 façons. Soit quantitativement, c'est-à-dire on peut connaître la part d'auteurs étrangers utilisés par Milin, les choix effectués dans le corpus des savants français, les absents, qui ils citent, qui ils ne citent pas, etc. On peut aussi prendre en compte l'évolution des choix bibliographiques entre Milin et la génération suivante, puisque moi, mon sujet porte sur le premier 19e siècle. Donc Milin, c'est le début de mes travaux, mais j'étudie aussi ses successeurs. Donc ça m'intéresserait de comparer les choix bibliographiques au sein de cette période. Et puis également comparer les choix bibliographiques entre les archéologues français et allemands et leur évolution au cours du premier 19e. Donc là, il s'agit plutôt de statistiques statiques qui peuvent cependant ouvrir vers une analyse diachronique et comparatiste des référents bibliographiques des auteurs français et allemands au cours du premier 19e. Et qui me permettrait de comprendre la constitution de traditions interprétatives différentes, comprendre éventuellement les auteurs incontestés, mieux comprendre également le voisinage de l'archéologie avec les autres sciences, etc. Mais les données, elles peuvent être également traitées qualitativement et rendre compte plus précisément de l'inscription de Milin dans l'univers intellectuel, académique et de sociabilité dans lequel il s'inscrit, à une époque où les discours sur l'Antiquité sont en pleine transition. Donc ce réseau de références, au sens où elles sont convoquées au sein d'un même livre, permet un traitement statique et statistique des référents intellectuels du savant, mais aussi une vision plus forte du réseau si celui-ci est relié à ceux d'autres savants pour constituer ce qu'on pourrait appeler, je sais pas, une galaxie, ce que je n'ai pour l'instant pas fait. Donc dans l'immédiat, je me suis donc contentée de traiter statistiquement les citations bibliographiques de la galerie quand le nombre d'occurrences est supérieur à 1, et je pense que c'est pas lui ici, donc je ne vais pas spécialement détailler ça. Voilà, et donc dans le deuxième, là c'était toutes les références qui n'étaient utilisées qu'une seule fois. Mais moi qui me permettent de comprendre bien sûr l'accessibilité des sources, les choix qui sont faits à partir du corpus existant à l'époque. Il y a également un second type d'éléments qu'on peut voir, c'est que le livre débute par un avertissement où Milin explique son projet en une petite dizaine de pages. On peut également y trouver des références bibliographiques, mais qui ne sont pas convoquées cette fois comme des sources pour parler des images, mais qui dessinent un autre univers, puisqu'il va y exposer ses modèles de pensée, les ouvrages qui l'ont inspiré pour réaliser la galerie, essentiellement des dissertations allemandes de la fin du XVIIIe, et ceux contre lesquels il s'oppose dans les notes de bas de page. Donc en rouge, c'est les dissertations allemandes qui l'inspirent, donc il y a également un anglais, un italien et un danois, et puis il va s'opposer en fait à des personnages donc, comme Bernard Picard, Eisen, qui sont des graveurs, ou à des acteurs qui appartiennent au champ des belles lettres, comme Bell, Baville, Tressan, etc. Mais il va s'opposer à eux, non pas dans le fond de ce qu'ils vont dire des images, mais spécifiquement par leur façon de convoquer et d'utiliser les images dans leur livre. Et donc ce serait intéressant, ça me questionne, mais c'est pas le lieu de développer ici. Et puis également on retrouve mon faucon, bien sûr, célèbre antiquaire du début du XVIIIe. Donc ainsi bien que simple, et qui demande à être complexifié, on peut voir ici se dessiner l'espace intellectuel dans lequel Milin évolue, où il définit son travail à l'encontre d'autres pratiques savantes existantes sur l'image mythologique. L'archéologie, espace savant dans lequel travaille Milin, est donc inscrite dans un système d'interdépendance avec d'autres champs, où les pratiques adoptées influencent en retour sur les choix des archéologues qui cherchent à s'en éloigner. Il serait intéressant de connaître les réseaux associés à chacune de ces références bibliographiques afin d'élargir la sphère qui se dessine autour de Milin. Les citations que l'on retrouve dans la galerie sont donc de trois types. Des références bibliographiques qui permettent de l'inscrire dans une ou des traditions savantes. Des références de type modèle à suivre. Et enfin des références auxquelles il s'oppose. L'influence germanique est logique puisque Milin... est logique du point de vue déjà de l'histoire de l'archéologie, mais Milin a en plus de nombreux correspondants étrangers, et allemands en particulier. À cela, on peut également ajouter, bien sûr, quelque chose qui m'intéresse, que je n'ai pas encore du tout développé, qui est le réseau lié à la production du livre même, à savoir les libraires et les graveurs avec lesquels Milin travaille, dont les noms des graveurs sont connus sur chacune des planches iconographiques. Donc là, c'est assez intéressant. Donc ces premières réflexions visent donc à exploiter le réseau de citations de la galerie Milin, mais elles peuvent être mises en relation avec une autre source privilégiée pour étudier le réseau, les correspondances. Et donc, à l'heure actuelle, il y a une correspondance qui est publiée de Milin, qui est celle avec son correspondant allemand, archéologue Böttiger. Sachant qu'il y a toute une partie de la correspondance de Milin qui n'est pas publiée, qui est actuellement reliée en 30 volumes à la BN. Donc, face à cette masse de données, j'ai choisi d'aborder ces sources par l'étude pour commencer uniquement de cette correspondance-là qui a déjà été bien étudiée. Et il s'agit essentiellement des lettres que Milin a envoyées à Böttiger. C'est la première difficulté de ce fonds puisqu'on n'a pas l'autre vision. Elle consiste classiquement en des demandes de renseignements, des demandes matérielles, des recommandations, un intermédiaire, traducteur, etc. Et donc j'ai abordé ces sources dans l'idée de construire un réseau égocentré. Autour de la question comment ils collectent des images, etc., etc. Et en fait, ce que j'obtenais, j'obtenais seulement un réseau égocentré qui me satisfaisait pas, puisque je trouvais ça un petit peu limité. Et donc là m'est venue une idée, à savoir est-ce qu'on peut faire un lien entre les réseaux du livre et les réseaux de la correspondance de Milin, que l'on trouve dans la correspondance. Et donc finalement, les liens entre les deux se retrouvent du côté des Allemands, puisque Milin va discuter les travaux et les projets et les travaux allemands avec Böttiger, qui se tient au courant de l'actualité savante, etc. Donc plutôt qu'un croisement des mêmes réseaux, on assiste plutôt là à une représentation de l'univers académique, intellectuel et social de Milin, à destination de l'Allemagne, vitrine d'un univers savant en pleine reconfiguration. Et donc... Il s'agit donc là, du coup, seulement de la représentation d'un espace relationnel centré sur un individu, qui présente, du fait de sa circonscription, bien sûr, à un seul individu des limites, mais moi, il me semblait intéressant de pouvoir comparer ces différents réseaux à Milin, Böttiger, et puis les successeurs entre eux, pour comprendre comment se construit l'espace archéologique à cette époque. Donc, que ce soit à travers les réseaux du livre ou de la correspondance, ces sources permettent de comprendre la superposition et les différentes sphères sociales, intellectuelles et académiques dans lesquelles l'archéologue Milin est plongé, en particulier du fait de sa forte germanophilie. Celles-ci influencent chacune à leur façon sa manière de penser l'archéologie, la mythologie et les images, infléchissant alors l'ordre des savoirs que Milin contribue à transformer. La galerie et la correspondance qui la met en scène outre-Rhin donnent accès à différentes formes de représentations légitimes du champ archéologique en pleine reconfiguration, entre un héritage antiquaire, un regard porté sur les sciences expérimentales et la proximité de l'histoire de l'art, voire de l'histoire qui utilise les mêmes matériaux. Donc construire les représentations graphiques de ces différentes influences me posait questions et problèmes en termes techniques et d'intérêt pour le sujet, mais elle prendrait une dimension particulièrement intéressante en étant comparée, reliée et analysée par rapport aux autres réseaux de ces acteurs officiels de l'archéologie, que sont les successeurs et collaborateurs de Milin, et pour ainsi mieux comprendre là où les reconfigurations des discours sur l'Antiquité, dans lesquels les images s'inscrivent comme une donnée essentielle. Et donc, pour terminer, moi, la notion de réseau, elle m'a énormément aidée à appréhender mes sources différemment, dans une optique qui n'est pas du tout celle du fond de ma thèse, puisque je m'intéresse à l'interprétation des images, mais à essayer de bien voir comment se construit l'espace la production savante d'un champ, comme me l'a suggéré Jérôme Lamy hier, peut-être plus que parler de réseau, mais plus voir comment se construit le champ des savoirs archéologiques à cette époque-là. Ouais, merci. Merci beaucoup.